Elle est nommée porte de Sion par Day, Doudan, Roger, Kotovic, Bénard, etc. Babel Mograbé, la porte des Mograbins ou des Barbaresques, elle se trouve entre le Levant et le Midi, sur la vallée d'Anon, presque au coin du Temple, et en regard du village de Siloan. Noé crie Babel Mégareb, c'est la porte sterquilinaire ou des ordures, par où les Juifs amenèrent Jésus-Christ à Pilate, après l'avoir pris au jardin des Oliviers. Bab el Daraï, la porte dorée, elle est au levant, et donne sur le parvis du temple. Les Turcs l'ont murée. Une prédiction leur annonce que les chrétiens prendront un jour la ville par cette porte. On croit que Jésus-Christ entra à Jérusalem par cette même porte le jour des rameaux. Bab el Sidi Mariam, la porte de la Sainte Vierge, à l'Orient, vis-à-vis la montagne des Oliviers. Nous l'appelons en arabe Ta. Toutes les relations de la Terre Sainte la nomment porte de Saint-Étienne ou de Marie, parce qu'elle fut témoin du martyre de Saint-Étienne, et qu'elle conduit au sépulcre de la Vierge. Du temps des Juifs elle se nommait la porte des troupeaux. Bab el Zahara, la porte de l'aurore ou du cerceau, elle regarde le septentrion, et conduit à la grotte des lamentations de Jérémie. Les meilleurs plans de Jérusalem s'accordent à nommer cette porte, porte d'Éphraïm ou d'Hérode. Kotovic la supprime et la confond avec la porte de Damas. Il écrit, Porta Damasena, Sive Éphraïm, mais son plan, trop petit et très défectueux, ne se peut comparer à celui de Day, ni encore moins à celui de Thomas Shaw. Le plan du voyage espagnol de Vera, par Juan Bautista Villalpando, est très beau, mais chargé et inexact. Nous ne donnons point le nom arabe de la porte d'Éphraïm, et il est peut-être le seul voyageur qu'il appelle porte des Turcomans. La porte d'Éphraïm et la porte sterquilinaire ou du fumier sont les deux petites portes de Jérusalem. Bab el Hamon ou Bab el Sham, la porte de la colonne ou de Damas, elle est tournée au nord-ouest, et mène au sépulcre des rois, à Naplouse ou Sichem, à Saint-Jean d'Acre et à Damas. Noé crie Bab el Hamon. Quand Simon le Cyrénéen rencontra Jésus-Christ chargé de la croix, il venait de la porte de Damas. Les pèlerins entraient anciennement par cette porte, maintenant ils entrent par celle de Jaffa ou de Bethléem, d'où il est arrivé qu'on a transporté le nom de la porte de Damas à la porte de Jaffa ou des pèlerins. Cette observation n'a point encore été faite, et je la consigne ici pour expliquer une confusion de lieux qui embarrasse quelquefois dans les récits des voyageurs. Venons maintenant au détail des rues. Les trois principales se nomment, Arabab El Hamon, la rue de la Porte de la Colonne, elle traverse la ville du nord au midi. Sous quelques bises, la rue du Grand Bazar, David Street, sous quel bazar? Elle court du couchant au levant. Arat el Alam, la voix douloureuse. Elle commence à la porte de la Vierge, ou porte de Saint-Étienne, passe au prétoire de Pilate, et va finir au calvaire. On trouve ensuite cette autre petite rue. Arat el Muslimine, la rue des Turcs. Arat el Nassara, la rue des Chrétiens. Elle va du Saint-Sépulcre au couvent latin. Monastère du Saint-Sauveur, Saint-Francis Street. Arat el Asman, la rue des Arméniens, au levant du château. Arat el Youd, la rue des Juifs. Les boucheries de la ville sont dans cette rue. Arat Babota, la rue près du temple. Arat el Zahara. Mondrogman me traduisait ces mots par strada comparita.